Monsieur Discourtois, malgré son nom, était un fort aimable juge, souhaitant peu le mal du prochain et ne se réjouissant d'une descente de justice que lorsqu'elle pouvait se transformer en expédition gastronomique. Vous rappelez-vous, il y a 3 ans, la tentative d'assassinat que nous dûmes aller instruire au pont de Deglin et les délicieuses grives qu'à cette occasion nous mangeâmes? L'assassinat pour lui disparaissait, il ne se souvenait plus que des grives. Monsieur Discourtois, connaissant mon goût pour la promenade, m'invitait parfois à l'accompagner. C'était des journées tout à fait charmantes. On partait de grand matin, avec un second juge, ou simplement avec le greffier, suivant que l'affaire présentait plus ou moins de gravité. Dans ce dernier cas, le greffier, assez fin gourmet pour sa part, avait charge de prévenir à temps le vatel du lieu, tout en l'emportant, car il faut prévoir, au fond de sa serviette, devenu carnier, quelques surérogatoires victuailles. « Êtes-vous des nôtres ?» me dit un jour M. Discourtois. « Nous nous transportons demain au hameau de Clarecombe. »« Pour un crime ?»« Eh non, pour un bugler au costard. Rien ne troublera votre appétit. Nous aurons des truites, des becs fins, et l'auberge est de premier ordre. » L'objet du costard ne manquait pas de bizarrerie.